C'est la scène, c'est là que tout se passe. Si on traînait là, c'est qu'on était vraiment quelqu'un. Et on était dans la place. Mitch, Rico et moi. On faisait nos trucs, t'as vu ? On se débrouillait. C'était ça la vie pour nous. Aïe ! Pour ça, major style. Bon, pas les shows. Ok, le chemin que j'ai emprunté, rempli de marécages, je l'ai pas goudronné. Tous les jours je fume du paquet et de la PR, mais je me fous pas la poudronnée. C'est moi le roi, venez me couronner. Je viens poser me ronronnesse, hein. Ça sert à rien de faire le gars balèze, hein. Si devant un gars tu balises, hein. Je veux pas tirer des palettes, mais plutôt porter des valises, hein. Plein d'oseilles, le manque d'argent fait que je trouve plus le sommeil. Chez nous on sort le compète, au moins une rayon de soleil. Je veux pas finir comme un charclos dans le tromé, attisé. Le monde part en couille. Il manquerait plus que Sarko pète un gros ouinge à l'Elysée. Faites la poitrine banalisée. Fais le partage équitablement, sinon tu vas finir paralysé. Je viens analyser, canaliser les faux MC, c'est juré. Je vais les traumatiser, je vais les traumatiser. Je te raconte la vidéo. C'est pas aussi facile comme dans un jeu vidéo. Je vise le haut et j'ai toujours mon fusil d'épaule. Y'a sa majeure qui la vise, toujours là pour m'épauler. Et je te raconte la vidéo. C'est pas aussi facile comme dans un jeu vidéo. Je vise le haut et j'ai toujours mon fusil d'épaule. Ursa majeure qui la bise, toujours là pour m'épauler. Si je commence à te raconter ma vie, tu verras pas toi-même qu'elle est triste. Car c'est la vie qui m'a forgé, qui m'a endurci. Mais chaque minute que je vis, c'est une minute que j'apprécie. Va faire un tour par ici. Mais pour l'instant, tout ce que j'ai, c'est le tigre et des gens paresseux. Je rappe pour ceux qui savent, pour ceux qui m'écrapent, pour ceux qui m'arravent les poucaves et les schmitts. Je le répète encore une fois, c'est pas Bali qui shoot au shit. Après viens pas me dire que ma vie elle est foutue. Quand je vois des trucs de ouf, je pense déjà à mon futur. Car ma culture c'est la rue et le rap, c'est tout ce que je connais. Et pourtant c'est en France que je suis né. Mais t'inquiète, mon corps et mon cœur appartiennent à l'Afrique. Et c'est dans ce putain de bled pourri que je suis venu chercher mon fric. Et c'est pas devant ces bâtards que je veux baisser mon froc. Ça te raconte la vidéo. C'est pas aussi facile comme dans un jeu vidéo. Je vise le haut et j'ai toujours mon fusil d'épaule. Y'a sa majeure qui la bise, toujours là pour m'épauler. Je te raconte la vidéo. C'est pas aussi facile comme dans un jeu vidéo. Je vise le haut et j'ai toujours mon fusil d'épaule. Ursa majeure qui la bise, toujours là pour m'épauler. Je raconte la vidéo. C'est pas aussi facile comme dans un jeu vidéo. Je vise le haut et j'ai toujours mon fusil d'épaule. Ursa majeure qui la bise, toujours là pour m'épauler. Je te raconte la vidéo. Facile comme dans un jeu vidéo. Je vise le haut et Ursa majeure qui la bise, toujours là pour m'épauler.